بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. Donc je continue la traduction de cette conférence de Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala. Donc Cheikh, ensuite il dit, والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال وإنما يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: certes, Allah, certes, Allah n'enlève pas la science en l'arrachant des cœurs des hommes. Mais il prend la science, il enlève la science par la mort des savants. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun savant, ou dans une autre version, jusqu'à ce qu'il ne laisse plus aucun savant, alors les gens prennent à leur tête des ignorants qui font des fatwas sans science, qui s'égarent et égarent les autres. Le cheikh dit dans l'explication de ce hadith: ضلوهم في أنفسهم وأضلوا الناس. Ils s'égarent eux-mêmes et ils égarent les autres également, les autres gens. فدل على أن وجود العلماء في المجتمع أمانة من الضلال بإذن الله. Donc ceci prouve que la présence des savants dans une commune, dans une société, est une garantie contre l'égarement par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الناس يرجعون إليهم في المشكلات والمعضلات. Pourquoi? Parce que les gens, ils reviennent vers eux lorsqu'il y a des problèmes et des choses compliquées. فيحلونها على ضوء الكتاب والسنة. Et donc, les savants, ils vont résoudre les problèmes et les affaires compliquées à la lumière du Coran et de la Sunna. فيحصل بذلك الخير الكثير في المجتمع. Et de là donc, il y a beaucoup de bien. De là, la société est touchée par beaucoup de bien. فإذا فقدوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا. Par contre, lorsque les savants meurent, alors les gens prennent à leur tête des ignorants. ليس عندهم علم. Ils n'ont pas de science. فسئلوا. Alors ils sont questionnés. لأن الناس بحاجة إلى السؤال. Parce que les gens ont besoin de poser des questions. سئلوا فأفتوا بغير علم. فضلوا وأضلوا. Donc ils sont questionnés et ils font des fatwas sans science. et par là ils s'égarent et ils égarent les autres. C'est exactement ce que nous vivons actuellement en France et ailleurs. Le fait qu'il n'y a pas de savants, alors les gens prennent à leur tête des ignorants. Le premier qui arrive avec une barbe et un kamis, on pense que c'est un savant. Et on lui pose tout type de questions. On lui pose même des questions dans les affaires de divorce. On lui demande même de trancher dans des questions sur lesquelles il y a de grandes divergences entre les savants depuis les premiers temps. Puis ces personnes-là deviennent des références. Et on oublie les savants. Car alhamdoulillah, nous ne sommes pas encore à l'époque où il n'y a plus aucun savant. Il reste quelques savants vers qui nous pouvons revenir. Donc pourquoi prendre des personnes qui n'ont même pas étudié la science auprès des savants? Comment prendre ces gens-là comme référence et délaisser les savants? Et faire passer la parole de ces gens-là sur la parole des savants? Et on entend certains qui disent, en parlant des salafis, ces gens-là, ils n'ont que le jarh wa ta'dil, ils n'ont que la critique et l'éloge. Tabran, bien sûr, c'est celui du mensonge. Car chez les salafis, walhamdulillah, on trouve tous les types de sciences. Walillah ilhamd. Et le jarh wa ta'dil est une science. Et la mise en garde, lorsqu'il y en a besoin, c'est une nécessité. Donc ces gens-là, ils accusent les salafis en disant ils n'ont que le jarh wa ta'dil. Une fois qu'ils ont pris une place dans la société, tu les entends dire ce genre de paroles. Ils ont des gens qui les suivent. Et alors ils disent, les salafis n'ont que le jarh wa ta'dil. Ils ne font que passer leur temps à critiquer les gens. C'est le genre d'accusation que l'on porte sur les salafis. Et ceci est du mensonge. Et lorsque ces gens-là disent ce genre de paroles, ils ne se rendent même pas compte, mais eux-mêmes ils font du jarh wa ta'dil lorsqu'ils font cela. Car ils critiquent les salafis, ils critiquent des musulmans. Et de l'autre côté, ils font les éloges de d'autres personnes. Des têtes de l'innovation. Donc ils font du jarh wa ta'dil, ils font de la critique et de l'éloge. À ce moment-là, ils se trouvent devant un fait accompli. Soit ils reconnaissent que la critique et l'éloge est une chose indispensable afin de savoir de qui on peut prendre et de qui on ne peut pas prendre, avec qui on peut faire des transactions, avec qui on ne peut pas faire de transactions, qui on peut marier et qui on ne peut pas marier, etc., etc. Et à ce moment-là, ils arrêtent de critiquer les salafis là-dessus. Ou alors, ils disent que non, il ne faut pas faire de critiques et d'éloges, donc à ce moment-là, ils doivent se taire sur tout le monde. Et même parmi les gens sur qui ils doivent se taire, même les salafis. Taïb. Ensuite, Cheikh, il dit, فهذا مما يبين مكانة العلماء وحاجة المجتمع إليهم ويبين فضلهم وأنه يجب احترامهم ومعرفة قدرهم. Donc ceci prouve la haute place qu'ont les savants et le besoin que la société a vis-à-vis d'eux. Et ceci montre le mérite des savants et qu'il est une obligation de les respecter et de connaître leur valeur. والمقصود بالعلماء الذين جمعوا والمقصود بالعلماء الذين جمعوا بين العلم والعمل وتقوى الله سبحانه وتعالى وخشية الله. Et les personnes qui sont désignées comme étant des savants, ce sont ceux qui ont réuni entre eux la connaissance, la pratique, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. كما قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. Certes, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du verset, certes, seuls les savants craignent Allah véritablement. لأن العلم على قسمين. Car la science est de deux types. علم على اللسان وعلم في القلب. Une science sur la langue et une science dans le cœur. علم في القلب. خشية الله عز وجل في القلب. لأن الخشية من أعمال القلوب. Donc une science dans le cœur, qui est la crainte d'Allah, elle est dans le cœur, car la crainte fait partie des actes du cœur. فمن اجتمع عنده العلم الظاهر والعلم الباطن فهذا هو العالم. Donc celui qui a réuni entre eux la science extérieur et la science intérieure, c'est celui-là le vrai savant. ومن أخذ بالعلم الظاهر فقط دون العلم الباطن فهذا ضرره أكثر من نفعه. Quant à celui qui ne prend que la science extérieure, sans avoir la science intérieure, cette personne-là, son mal est plus grand que son bien. قد يكون منافقا. Il se peut qu'il soit un hypocrite. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أخشى على أمتي منافقا منافقا عليم اللسان. Ce que je crains le plus, ou ce que je crains pour ma communauté, c'est un hypocrite, beau parleur. وقال صلى الله عليه وسلم إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. Certes, ce que je crains pour ma communauté, ce sont les guides qui égarent. فالمراد بالعالم الذي مدحه الله ومدحه الرسول صلى الله عليه وسلم المراد به من جمع بين الصفتين علم الظاهر وعلم الباطن خشية الله سبحانه وتعالى مع العلم بالكتاب والسنة والفقه بالكتاب والسنة وتلك منة يمن الله بها على خواص عباده. Donc ce qui est voulu par le savant, qui a été, dont Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges, et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges, ce qui est voulu par lui, c'est celui qui a réuni entre ces deux qualités, la science extérieure et la science intérieure, la crainte d'Allah, avec la connaissance du Coran et de la Sunna, et la compréhension du Coran et de la Sunna. Et ceci est un bienfait qu'Allah gratifie à qui il veut parmi ses serviteurs choisis. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Il donne la sagesse à qui il veut, et quiconque à qui a été donné la sagesse, il lui a certes été donné un grand bien. Mais il n'y a que les gens doués d'intelligence qui se rappellent. La na'ni bil 'alim al muta'alim alladhi iktasara 'ala qira'ati al kutub wa taraka al 'ulama wa ibta'ada 'anhum. Nous ne visons pas, lorsque nous parlons du savant, nous ne visons pas celui qui se prend pour un savant, qui s'est contenté de lire des livres et qui a délaissé les savants et s'est éloigné d'eux. وَإِنَّمَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمُطَالَعَةِ وَعَلَى كَثْرَةِ الْكُتُبِ. Il se contente simplement de feuilleter les livres chez lui et d'amasser beaucoup de livres. هَذَا لَا يَنْفَعُ نَفْسَهُ وَلَا يَنْفَعُ النَّاسِ. Celui-là, il n'est ni profitable à lui-même, ni profitable aux autres, aux gens. Bel rubbama yadurru nafsuhu. Bel rubbama yadurru nafsahu. Wa yadurru an-nas. Mais il se peut même qu'il nuise à lui-même et qu'il nuise aux gens. La na'ni bil 'alim hadha alladhi akhadha al-'ilma min al-kutub. Nous ne visons pas par le savant celui qui a pris la science des livres sans revenir aux gens de science. Sans qu'il ait pris la science des savants et qu'il ait pris la science de ses sources. وإنما نعني بالعالم الذي حمل العلم عن أهله تلقاه عن أهله وبلغه للناس. Mais nous visons par le savant celui qui a appris la science des gens de science. Il l'a prise d'eux et il l'a transmise aux gens. هذا هو العالم الذي أثنى الله عليه وأثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. C'est celui-là le savant dont Allah a fait les éloges et dont le prophète صلى الله عليه وسلم a fait les éloges. ويثني عليه أهل الأرض ويثني عليه أهل الأرض والسماء ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر تستغفر للعالم الذي هذا وصفه. Tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre fait les éloges de celui-là et lui demande et implore le pardon d'Allah pour lui. Jusque même les poissons dans la mer, ils implorent le pardon d'Allah pour le savant, qui est celui que nous avons décrit. Kanat banu Israël. تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي. Les enfants d'Israël, ils étaient dirigés par les prophètes. À chaque fois qu'un prophète mourait, un autre le remplaçait, un autre lui succédait. فلما ختمت الرسالة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا يأتي بعده نبي إلى أن تقوم الساعة فإن العلماء يقومون بميراث الرسول صلى الله عليه وسلم. Puis lorsque la prophétie, a été scellée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il ne viendra pas après, lui un autre prophète jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'heure de la fin du monde, eh bien ce sont les savants qui prennent la responsabilité dont ils ont hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويقومون بهداية الأمة إلى الطريق الصحيح. Et c'est eux qui ont la responsabilité de guider la communauté au droit chemin. فهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. Ce sont eux les successeurs du prophète صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes les savants sont les héritiers des prophètes. Fal ulama fi hadhihi al umma bimathabati al anbiya fi bani Israil. Donc les savants de cette communauté, la communauté musulmane, donc les savants de cette communauté, ils prennent la place des prophètes, ils prennent la place que les prophètes avaient chez les enfants d'Israël. فإن الأنبياء في بني إسرائيل يسوسون الناس بالعلم. Car les savants, car les prophètes chez les enfants d'Israël, ils dirigeaient les gens par la science. وعلماء هذه الأمة أيضا يسوسون الناس بالعلم. Et également les savants de cette communauté, ils dirigent les gens par la science, avec la science. وإن كان الأنبياء أفضل منهم لكنهم يقومون مقام الأنبياء في حمل العلم ونفع الناس به. Donc même s'il est vrai que les prophètes sont meilleurs qu'eux, mais ils prennent la place des prophètes dans le fait qu'ils portent la science et qu'ils font profiter les gens de la science. Ta'liman wa ifta'an, par l'enseignement et le fait de donner des fatwas. Wa da'watan wa irshadan wa ta'lifan, et en faisant la da'wa et en indiquant le bien et en écrivant. Haoulaï hum warathatul anbiya wa humul ulama. Ces gens-là, ce sont les héritiers des prophètes et ce sont les savants. Wa hum masabihud duja. Ce sont ceux les prophètes, les savants, ce sont les lampes éclairantes dans les ténèbres de la nuit. وهم النجوم التي يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر. Et ce sont les étoiles par lesquelles les gens se guident dans les ténèbres ou dans l'obscurité de la terre et de la mer. هؤلاء هم العلماء. Ceux-là, ce sont les savants. ورثة الأنبياء, les héritiers des prophètes. فمدام موجودين فالأمة بخير. Tant qu'ils sont présents, la communauté va bien. وإذا فقدوا حق على الأمة الضياع والهلاك ولا حول ولا قوة إلا بالله. Et lorsqu'il meurt, alors la communauté est en perdition et dans l'égarement. Il n'y a ni force ni puissance en dehors d'Allah. فالذين يتنقصون العلماء ويحطون من قدرهم ويزهدون الناس فيهم ويصفونهم بالأوصاف الذميمة. Donc ceux qui rabaissent les savants et diminuent de leur valeur et éloignent les gens des savants et qui qualifie les savants par des caractéristiques répugnantes. Yasifunahum bil amala. Yani amala, yani il les qualifie d'être des savants qui travaillent en gros au compte des gouverneurs. Yasifunahum bil mudahana. Ils les accusent de cacher la vérité, de faire des concessions. Bil mudahanati ma'a wulati al-amr ma'a as-salatin. Ils les accusent de faire des concessions avec les gouverneurs. بزعمهم tout ça selon leurs prétentions. يريدون أن يحولوا بين العلماء وبين الناس. Ces gens-là qui diminuent les savants, ils veulent couper la relation entre les savants et les gens. حتى تسمح لهم الفرصة في نشر الأفكار الخبيثة. Afin que ceci leur donne l'opportunité de propager leurs idées mauvaises. Afin que ceci leur laisse l'opportunité de propager leurs mauvaises idées. وَلَا يُقْبَلُ مِنَ الْعُلَمَاءِ بَيَانٌ لِهَذِهِ الْأَفْكَارِ وَهَذِهِ الشُّبُهَاتِ. Et afin que quoi? Qu'on n'accepte pas l'explication que les savants donnent par rapport à ces idées qui sont propagées et par rapport à ces ambiguïtés. هذا ما يريده أعداء الله ورسوله. C'est ça que veulent les ennemis d'Allah et de son messager. Et là, je vais faire une petite annotation. Lorsque certains savants ont démontré certaines ambiguïtés qui sont propagées et qui sont répandues chez les frères salafis, lorsque les savants ont réfuté ces ambiguïtés, afin de préserver la communauté et afin que celui qui cherche la vérité puisse la trouver et l'entendre. Alors, on a vu des personnes apparaître et critiquer ces savants et rabaisser ces savants, comme le cheikh est en train de le dire là. Ces gens-là, ils veulent couper la relation entre les savants et les gens, pour que l'opportunité, pour qu'ils aient l'opportunité de propager leurs idées. Et qu'on n'accepte pas des savants l'explication qu'ils donnent et la réfutation qu'ils donnent à ces idées et à ces ambiguïtés. Ces gens-là savent que lorsque les savants parlent, eh bien, il ne peut plus propager ses idées. Donc, tout savant qui va venir et qui va réfuter son ambiguïté, il va venir et il va le dénigrer sans science, mais par le mensonge et la tromperie. Wal'iyadu billah. نقول له خف الله. On lui dit crains Allah, ya akhi. والزم منهج السلف. Il reste accroché à la voie des salaf. ومنهج السلف لا يعرف بالعقل وبالتفكير. وإنما يعرف بالنقل والآثار. Et la voie des salafs, on ne la connaît pas avec sa propre pensée et avec sa propre raison. Mais la voie des salafs, on la connaît à travers les textes qui nous ont été transmis, c'est-à-dire les textes du Coran et de la Sunna, et ceux qui nous ont été transmis par les salafs, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis la génération qui les ont suivis, les tabi'in, et la génération qui a suivi les tabi'in, qu'on appelle tabi'r tabi'in. C'est cela le manhaj des salafs. Et ce n'est pas ce que un tel est venu ramener aujourd'hui. Si tu entends quelque chose de quelqu'un que tu n'as jamais entendu auparavant et que tu ne trouves pas dans les livres qui rapportent la voix des salafs, sache que cette personne-là a amené une innovation. Taïb. Ensuite, Cheikh, il dit « Wasma'u ila » واسمعوا الى ما جاء في مثل هؤلاء. Écoutez ce qui a été rapporté sur ce genre de personnes. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرجعه من غزوة تبوك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au retour de l'expédition de Tabouk. فنزل في المنزل في منزل للراحة. Et donc il s'est arrêté à un endroit pour se reposer. فنزل المسلمون معه. Et les musulmans se sont arrêtés avec lui. فاجتمع نفر من جملة العسكر الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا أهل دين وأهل إيمان. جلسوا يتحدثون. Et un groupe parmi eux, un groupe parmi l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un groupe d'entre eux, et qui étaient des gens de religion, des gens qui avaient la foi, ils se sont assis dans un coin pour discuter. فقال رجل منهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنة وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Donc, comme nous disions, ils se sont assis pour discuter. Et un homme parmi eux il a dit quoi? Il a dit: nous n'avons pas vu des gens comme nos lecteurs. Nos lecteurs de Coran, ils parlent du prophète et des compagnons. Nous n'avons pas vu des gens comme nos lecteurs qui sont plus menteurs qu'eux et des gens qui recherchent à remplir leur ventre et des gens qui sont lâches à la rencontre de l'ennemi. Il vise par là le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Comme quoi que le prophète et les compagnons, ce sont les gens les plus menteurs et les gens qui recherchent le plus à remplir leur ventre, et les gens les plus lâches à la rencontre de l'ennemi. Donc ça, c'est un parmi eux, il a dit cette parole-là. « وَالْبَقِيَّةُ سَكَتُوا وَلَمْ يُنْكِرُوا عَلِيهِ » Et le reste, un seul a parlé, et le reste, ils se sont tus. Et ils ne l'ont pas réprimandé pour cette parole. Illa shabban ankara alayh. Juste un seul, un jeune parmi eux, il est le seul à avoir répliqué. Wa qala kadhabta walakinaka munafiq la ukhbiranna rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc si ce n'est un jeune qui a répliqué, qui a dit: tu as menti, mais en vérité tu es un hypocrite, et je vais prévenir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Yuqalu lahu Auf ibn Malik. Ce jeune, il s'appelait Auf ibn Malik radiyallahu anhu. Fadhahaba ash-shab yukhbiru ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fasabaqahu al-wahy. Donc ce jeune, il est parti pour informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a été devancé par la révélation. Nazala ala rasul sallallahu alayhi wa sallam khabaruhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé par la révélation, par Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui s'était passé. Wa qala an-nabi wa qala Allah jalla wa ala wa la in sa'altahum لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit sur eux: et si tu les interroges et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement: vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis: est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Vous avez bien mécru après avoir eu la foi. Unzuru. Cheikh Al-Fawzan, il dit: Unzuru. Kanu mu'minin fil asl. Donc Cheikh Al-Fawzan, il dit: regardez bien, ils étaient croyants à la base. Lakinnahum kafaru ba'da imanihim. Mais ils ont mécru après avoir eu la foi. ليسوا منافقين من الأصل أو من الأول. Ils n'étaient pas hypocrites au début. Ce n'étaient pas des hypocrites au début. Haoula min al-mu'minin. Ces gens-là étaient des croyants. هم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزو. Ils étaient avec le prophète صلى الله عليه وسلم dans une expédition. فلما قالوا هذه المقالة أنزل الله فيهم هذه الآية. Mais lorsqu'ils ont dit cette parole, Allah a fait descendre sur eux ce verset. جاءوا يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. Ils sont venus pour s'excuser auprès du prophète صلى الله عليه وسلم. وقالوا يا رسول الله إنما هو حديث الركب نقطع به الطريق. Ils ont dit donc au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, ce n'était que des paroles par lesquelles on voulait faire passer le chemin. وكان كبيرهم ممسكا بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبلها فيقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب هذه في الركب في الركب نقطع به عنا الطريق. Et leur tête, il était accroché aux cordes de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant ô messager d'Allah, nous ne faisions que bavarder et jouer. Ceci c'était pendant le chemin, afin de faire passer le temps et qu'on ne voie pas passer le temps du chemin. Wa rasoulu sallallahu alayhi wa sallam la yaltafitu ilayhi بل يقرأ عليه هذه الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Et le prophète sallam, malgré cela, il ne se tournait même pas vers lui, mais il lui récitait le verset dit « Est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager dont vous vous moquiez ? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi. Vous avez bien mécru après avoir eu la foi. » والرسول صلى الله عليه وسلم متجه وراكب راحلته حتى إن الحجارة لتنكب أقدام هذا الرجل الذي يعتذر ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه. Le prophète sallam, il était en marche sur sa monture jusqu'à ce que même les pierres étaient en train d'arracher les pieds d'écorcher les pieds de cet homme qui était en train de s'excuser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prêtait pas attention à lui. لأن الله أمره أن يقول لهم. Car Allah lui avait ordonné de dire قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc Allah lui avait ordonné de leur dire, dit, est-ce d'Allah, de ses versets et de son prophète dont vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. En Ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il dit: وهذه الآية تتناول كل من استهزأ بالعلماء استهزأ بالعلم الشرعي تتناوله الآية فهو واقع في هذا الوعيد الشديد ومتصف بهذا الوصف القبيح. Donc le cheikh, il dit, ce verset englobe toute personne qui se moque des savants, qui se moque de la science religieuse. Il est compris dans ce verset. Et il entre dans cette grande menace. Et il est qualifié par cette caractéristique répugnante. الذي يستهزئ بالرسول يستهزئ بالقرآن يستهزئ بالعلم يستهزئ بالعلماء واقع في هذا الخطر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc celui qui se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se moque du Coran, qui se moque de la science, qui se moque des savants, il entre dans ce danger. Et il n'y a de force ni de puissance que par Allah. Et là, je rajoute que nous avons vu ces derniers jours des mécréants qui veulent se moquer du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, venant de la part des mécréants, n'est pas étonnant. Ces gens-là qui ne respectent rien, ou presque rien. Mais le plus grave dans tout cela, ce sont des gens qui prétendent être musulmans et qui ne voient pas de mal à cela. Et également des personnes qui se moquent des savants et qui dénigrent des savants connus et reconnus pour leur science et pour leur attachement ferme à la sunna. وَيَأْتِيهِ هَذَا النَّكِرَ فَيَتَنَقَّصُهُمْ. Puis tu vois cet individu inconnu qui vient et qui les dénigre et qui se moque d'eux. هذا النكر الذي لا يفهم كلام أهل العلم. Cet ignorant qui ne comprend pas le langage des ulama et les paroles des ulama. فيكذب ويحرف كلام أهل العلم. Et il vient et il ment. Et il déforme les paroles des savants. Tout cela pourquoi ? Pour. Tout cela pourquoi ? Pour légitimer ses positions. فنقول له ولأمثاله. Nous lui disons à lui et à ses semblables: cherche à légitimer tes actions et tes positions. dans la vérité qui se trouve dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la voie des salafs, tel que ceci a été recensé et démontré et expliqué par les savants de la sunna dans les livres de dogmes authentiques. Pourquoi tu te remets, pourquoi tu te tournes vers le mensonge? Al-kathibu habluhu qasir. La corde du mensonge est courte. Comme يقوله كثيرا شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي. La corde du mensonge est courte, comme le dit souvent notre Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali. Et ce Cheikh, contrairement à ce que certains essayent de faire croire, ce Cheikh est un savant reconnu, connu et reconnu par les grands savants. À leur tête, parmi ceux qui ont reconnu sa science, Cheikh Abdelaziz Ben Baz, rahimahullah, imam hadha al-asr, l'imam de notre époque, Cheikh Ben Baz, rahimahullah. Et également, ont reconnu que Cheikh Mohammed ibn Hadi était un savant. Le Cheikh Ahmed al-Najmi, qui l'a enseigné, et le Cheikh Zayd al-Madkhali, qui l'a enseigné. Et j'ai oublié de préciser que Cheikh Ben Baz également avait enseigné Cheikh Mohammed ibn Hadi. Et également le Cheikh Hamoud al-Touwajri, le Cheikh Hamoud al-Touwajri, qui faisait partie des grands savants à l'époque de Cheikh Ben Baz, rahimahullah, rahimahumallah. Et également reconnu la science de Cheikh Mohammed ibn Hadi et Cheikh Hamad al-Ansari. Rahimahullah ta'ala. وكذلك الشيخ سليمان الرحيلي. Et également Cheikh Sulayman al-Ruhayli a reconnu que Cheikh Mohammed était un savant. Et la parole qui a été propagée dernièrement, dans laquelle Cheikh Sulayman al-Ruhayli dit que Cheikh Mohammed ibn Hadi est un étudiant, Wallahu ta'ala a'lam, il ne vise pas par là que Cheikh n'est pas un savant. Car comme je l'ai dit dans d'autres audios, à d'autres occasions, il a cité que Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali était un savant. Faqala hafidhun mutqin. Il a dit de lui, c'est un hafiz, un mémorisateur, et un quelqu'un qui est excellent, quelqu'un d'excellent. Non, Afwan, j'ai une coupure de connexion. Donc je disais que Cheikh Sulayman al-Ruhayli, à d'autres occasions, a dit de Cheikh Mohammed qu'il était un grand mémorisateur et qu'il était quelqu'un d'excellent. Quelqu'un qui excelle. Et qu'il était quelqu'un qui, dans d'autres occasions, il a dit également qu'il était quelqu'un qui maîtrisait la science. ضابط ضابط متقن quelqu'un qui maîtrise et qui excelle. Donc nous n'avons pas besoin, après les éloges de tous ces grands savants, et également du savant Cheikh Souleyman al-Ruhayli, les grands savants comme Cheikh Ibn Baz, comme Cheikh Ahmed al-Najmi, comme Cheikh Rabi', comme Cheikh Zayed al-Madkhali, comme Cheikh Humoud al-Tuwajri, ou Cheikh Hamad al-Ansari, et le savant Cheikh Souleyman al-Ruhayli. Tous ces gens ont attesté que Cheikh Mohammed ibn Hadi était un savant. Donc nous n'avons pas besoin d'un inconnu qui vienne essayer de perturber les gens et de semer le trouble. Et vous verrez que ce genre de personnes visent toujours certains savants. Vous les voyez rabaisser les savants qui sont connus pour être des savants de la Sunna, sur lesquels il n'y a aucun doute, ni dans leur science, ni dans leur manhaj. Et vous les voyez qu'ils font les éloges de personnes qui ont de gros problèmes dans la aqidah et dans le manhaj. Allez comprendre cela. Pourquoi toutes leurs attaques et toutes leurs critiques visent les savants de la Sunna? Et pourquoi toutes leurs éloges, Afwan, et pourquoi on trouve d'eux des éloges de personnes égarées? Allahumma musta'an. Ala kulli hal, je vais terminer rapidement cette première partie et je terminerai la traduction prochainement, inshallah ta'ala. يقول الشيخ هو ما يتنقص العلماء أو يسب العلماء لأجل أشخاصهم، وإنما يسبهم من أجل العلم الذي يحملونه، يسبهم من أجل وصفهم لا من أجل أشخاصهم، فلذلك ناله هذا الحكم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Donc Cheikh il dit, et c'est là-dessus que je vais m'arrêter pour aujourd'hui, il ne rabaisse pas les savants ou il n'insulte pas les savants pour leur propre personne, mais il les insulte à cause de la science qu'ils portent, à cause de la science que les savants portent. Il les insulte à cause de leur qualité, non pas à cause de leur entité, c'est-à-dire de leur propre personne. Et c'est pour cela qu'il est entré dans ce jugement. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Il n'y a de force, il n'y a ni force ni puissance, si ce n'est que par Allah, le Très-Haut et l'Immense. Inch'Allah ta'ala, vous serez mis au courant sur le site de la suite de la traduction de cette conférence magnifique de Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullahu ta'ala. Wa nasallallahu azza wa jal an yaghfira lana dhunubana wa yukaffira anna sayyi'atina wa an yatawaffana ma'al abrar. Wa nasallallahu azza wa jal an yuwaffiqana lil 'ilmin nafi' wal 'amal as-salih. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.